Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. C'est maintenant le moment de vous apprendre quelques petites choses en fin de session. Hein. Vous savez, c'est toujours intéressant de procrastiner. Eh bien, nous, on le fait pour vous ce matin. On va vous dire de très belles choses. Donc, une belle façon de débuter la journée avec des faits tellement importants qu'il faut absolument vous remplir le crâne avec ça. Videz tout ce que vous avez appris de l'école aujourd'hui et préparez-vous. Préparez-vous à quelque chose vraiment de génial. Préparez-vous à... Et maintenant, voici les tops de l'insolite. Et oui, les tops de l'insolite ce matin qui concernent en fait six créations d'empires maléfiques qui ont quand même aidé à la société. Six très bonnes idées en fait qui ont été amenées par des empires maléfiques. Voilà. Et on débute au numéro 6 avec les nazis. Ah, les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon pour nous? Pas vraiment grand-chose dernièrement, en tout cas. Mais bref, qu'est-ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'un des bons points des nazis, c'est vraiment pas pour les aider ou tout simplement les excuser, parce que c'est probablement un des pires empires qu'on n'a pas eu, basé sur une emprise de haine, une entreprise de haine, en fait, et d'extermination tout simplement dégueulasse. Et on n'est vraiment pas pour ça, mais ce qu'il faut dire, par contre, c'est qu'ils ont quand même mis en place la première campagne anti-tabac de l'histoire. Et oui, donc ça a été en fait le premier gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement du Reichstag, les nazis, qui ont mis de l'avant donc ces politiques anti-tabac, et on faisait de la propagande anti-tabac en Allemagne. Et même on a ici sur crack.com, bien sûr, d'où vient le top de l'insolite. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter ce site-là, hein, c'est plein de tops, plein de trucs. Il y en a à chaque jour des nouveaux, donc c'est super intéressant. Et c'est ce qu'on essaie de vous transmettre un peu dans les tops d'insolite le matin. Mais bref, vous avez une belle petite affiche avec une cigarette qui est en train de manger une personne. En fait, on dit... je sais pas lire l'anglais. Ah, l'anglais. Oui, je sais lire l'anglais, mais je sais pas lire l'allemand. Et plutôt, on dit... si vous fumez, elle va finir par vous aspirer ou vous manger, tout simplement. Donc, on présente la cigarette un peu comme un crocodile. Et donc, on dit que... on a découvert, et en fait, on a mis au jour que la cigarette tuait les gens. Et oui, et ça, c'est... Est-ce qu'on vous apprend quelque chose de nouveau ici? Je ne crois pas. Mais dans les années 30, c'était quand même quelque chose de relativement différent, hein, puisque même les docteurs pratiquement prescrivaient des cigarettes, là. J'ai une de mes profs qui disait que sa mère avait s'était fait prescrire de fumer la cigarette lorsqu'elle est enceinte d'elle, parce que ça pouvait l'aider donc à baisser son stress prénatal, quand même. Et donc, en fait, les scientifiques allemands ont découvert un lien entre le tabac et le cancer du poumon, ce qui a donc créé une campagne anti-cigarette. Et il faut dire, Hitler fumait 25 cigarettes par jour environ. Donc, si on l'aurait pas eu, il aurait fini par savoir lui-même avec les cigarettes. Mais non, c'est faux. Hitler fumait et donc il a décidé d'arrêter de fumer, bien sûr, conseillé par ses médecins. Et il a entrepris donc des techniques de propagande pour faire arrêter de fumer les Allemands. Chose qui a quand même assez bien fonctionné et qui n'a jamais été repris par les Américains ou le Canada avant bien des années plus tard. Par la suite, nous avons maintenant au numéro 5 de ces empires maléfiques ou non, qui ont un peu aidé à faire avancer certains trucs qui maintenant on trouve qui est vraiment génial, mais à l'époque c'était très nouveau et on pensait pas vraiment à ça. Et maintenant on parle des Aztèques qui ont créé en fait les premières écoles, en fait, qui étaient au devant de l'éducation pour les jeunes. Entre autres, on dit que les Aztèques ont été les premiers à avoir un système d'école avec des classes de jeunes qui se rendraient à chaque jour, donc pour aller apprendre à compter, à lire, à faire donc tout ce qu'on apprend dans la vie lorsqu'on est jeune. Et même qu'ils avaient des travaux à faire à la maison, ces jeunes-là. Et oui, les jeunes donc rentraient à la maison, devaient apprendre à compter, devaient ramener des devoirs un peu à la maison, ramener de la job, en plus de manger des cœurs de personnes sacrifiées. Non, ça c'est peut-être une blague, là. Vous avez écouté Apocalypto pour comprendre ce que je veux dire, mais bref... Donc, les Aztèques qui ont été les premiers à créer comme un peu système scolaire, si on veut, donc avec des professeurs qui leur apprenaient les trucs de la vie, et eux qui devaient ramener des devoirs à la maison, qui étaient également qui étaient éduqués en fait, entre autres sur le gouvernement, la médecine, les arts et donc plein d'autres trucs assez intéressants quand même. Mais on en sait très peu, faut dire, sur les Aztèques, hein, mais quand même on sait qu'il y a eu une organisation scolaire autour des enfants. Par la suite, au numéro 4 de ces choses, en fait, ces très bonnes idées qui ont été amenées par des empires maléfiques. On parle maintenant des Mongols. On sait que les Mongols étaient badass entre le 13e siècle et le 14e siècle. C'était l'âge des Mongols. Et oui, pendant 200 ans, ils ont vraiment régné sur l'Asie d'une façon outrageuse. Ça allait tout simplement de où c'est qu'on a la Chine, même le Japon, à aller pratiquement jusque en dessous, en fait, de l'Europe de l'Est. Donc, c'est quand même quelque chose. On se rendait aussi jusqu'au Moyen-Orient. Vraiment, un des seuls endroits, en fait, où ça a été... où il n'y a pas vraiment eu tant de l'Empire mongol, en fait, n'était pas installé, tout simplement, où se trouve l'Inde présentement. C'était le sultanat de Delhi et l'Empire Khmer également, donc, qui était là-dedans. Et donc, c'était un peu une façon de les arrêter, qui c'était là. Mais bref. Ce qui arrive, c'est qu'ils étaient des féministes. Et oui, donc, ils étaient quand même assez poussés vers le féminisme, au point même où Genghis Khan, qui était le grand chef des Mongols, bien sûr, celui qu'on se rappelle le plus, était, en fait, conseillé par sa mère. Et sa mère était une très, très proche conseillère, et c'est sa femme et lui ensemble qui ont décidé qui allait être son successeur par la suite. Donc, il faisait beaucoup confiance à sa mère, sa femme. Il demandait beaucoup de conseils aux femmes, et on pouvait dire donc, ah oui, là, c'est les Mongols, c'était une armée de gars. Mais les femmes étaient derrière stratégiquement. Donc, derrière chaque grand homme, il y a une femme, et c'est vrai, et les Mongols l'ont prouvé au 13e et 14e siècle. Quand même. Par la suite, au numéro 3, continuons avec le sujet des femmes. Au numéro 3 de ces idées progressives qui ont été mises de l'avant par les empires maléfiques. Empires maléfiques. Moi, je vois pas ça nécessairement comme un empire maléfique, mais bref, on dit que l'Union soviétique, l'URSS, était en faveur des femmes dans le combat. Et oui, donc, d'ailleurs, que n'importe qui aurait vu un film sur les Russes et la Deuxième Guerre mondiale l'aurait vu, c'est que les femmes, au même titre que les hommes, devaient prendre les armes et aller se battre. Tout le monde était égaux en Russie, surtout de ce côté-là. Et donc, on dit, entre autres, que 800 000 femmes ont servi dans l'armée rouge tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même quelque chose, mais bon, conscription l'oblige. Les femmes devaient aller se battre de la même façon. Et il y a dis-je, ah là là. Et on dit que de ces 800 000 femmes qui se battaient dans l'armée rouge, 200 000 ont été nommées commandants et 89 ont été des héros de l'Union soviétique, c'est-à-dire tout simplement le plus grand honneur qui est donné aux soldats de l'armée russe, donc quand même. Et pour donner une comparaison, en fait, les femmes américaines n'ont pas eu le droit d'entrer en combat avant 2001, donc c'est-à-dire environ 50, au-dessus de 50 ans après, même 60 ans après, si on regarde l'entrée des Russes en guerre, mais bref. On dit que malgré que ça fasse depuis 2001 que les femmes soient entrées en guerre, beaucoup de gens qui sont encore vraiment contre ça. Et donc... On dit également, donc, au numéro 2 de ces idées, ces concepts mis de l'avant par des empires maléfiques. On dit que le premier empire maléfique du monde était un melting pot, c'est-à-dire un mélange de plusieurs nationalités. Et on parle ici de l'empire acadienne. Et non, on parle pas des Acadiens de Shidiak. On parle des Acadiens qui viennent donc de proche de la Mésopotamie, en fait. Ces anciens empires, on parle du 26e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire plus de 2000, à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est, entre autres, la première armée de marche qui a été créée par les Acadiens. Et donc, ils étaient très puissants sur... En fait, il y avait une sensibilité culturelle, ces chers Acadiens. Et c'était une façon pour eux de conserver, en fait, le pouvoir et d'apaiser les problèmes. Donc, il n'y avait pas vraiment de point ratio, que ce soit entre les tribus, les conflits ethniques, il n'y en avait pas vraiment. Et c'était une façon, en fait, aussi de répondre à ces fameux conflits qu'on pouvait retrouver au Moyen-Orient. Puisque, bon, bien sûr, on se situe toujours dans le coin du Moyen-Orient, l'Égypte, Mésopotamie, ces endroits-là. Mais bref, ça a été aussi un des premiers endroits, Sargon, entre autres, Sargon, qui est un des gouvernements de cet empire-là, qui a été un gouvernement multiethnique. Donc quand même, on allait chercher des gens de plusieurs nationalités, membres de l'empire, pour gouverner celle-ci. C'est quand même bien, c'est même très bien, là. C'est vraiment là, génial. Donc, il nous reste une simple petit numéro 1 du top de l'insolite à vous présenter. Donc, de ses idées progressistes ainsi que ses très bonnes idées mises de l'avant par des empires maléfiques au numéro 1, ce sont, vous savez, les méchants de 300. Et oui, donc, l'empire Achaïnide. J'ai même pas écouté le film, en fait, vraiment. Mais donc, c'est comme les Perses dans 300. On dit que c'est les Perses, mais donc, c'est l'empire Achaïménide. Oui, Achaïménide. Donc, qui, entre autres, donc, était avec, comme chef Xerxes dans le film, en fait, je crois. Mais j'ai vu quelques extraits, mais le film, comme tel, bon, m'inspirait pas grand-chose. Mais bon, bref, donc, ce qu'on dit, c'est que ils étaient les premiers à inventer le gouvernement moderne. Et oui, donc, entre autres, ils avaient des systèmes de rues ainsi que de code postal, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Mais donc, quand Darius le Grand est arrivé, c'est-à-dire le père de Xerxes en 300, on fait tout le temps des petits liens là-dessus, il a établi une réforme du gouvernement pour combattre la corruption, puisque bon, tout bon gouvernement est corrompu, surtout à cette époque-là, c'est-à-dire donc quelques siècles avant Jésus-Christ. Mais donc, il a vraiment remis tout sur place et c'est vraiment une réforme gouvernementale qui ferait vraiment, en fait, hausser les sourcils à Jean Charest, qui n'en reviendrait pas à quel point que ça a été changé. Donc, en fait, on voulait emmener les grandes choses aux Perses. Et donc, la vérité et la liberté. Et lorsqu'on dit de la liberté, tout simplement, il y avait des inspecteurs, entre autres. Hein. On a mis donc un système d'inspecteurs royal dans le gouvernement, en fait, que personne ne pouvait donc vraiment se laisser aller et donc jouer au niveau de l'argent et tout, venir faire des malversations sur le gouvernement et donc utiliser l'argent ailleurs et bref. Et on dit également que la liberté ainsi que la vérité étaient donc mis de l'avant par ce gouvernement, bien sûr. Hein, c'était un peu les mêmes idéologies américaines reprises, sauf que pour ce qui est des Achaïmédiens, les Perses, en fait, c'est que c'est dans leur religion. Ils doivent avoir la liberté ainsi que la vérité. Et donc, c'est pourquoi que c'était probablement un des bons gouvernements qu'ils ont eu. C'est, en fait, l'invention du gouvernement moderne. Hein, la façon moderne de gouverner, c'est-à-dire la façon la plus transparente possible. Parlez-en à Jean Charest, hein, permanence, transparence et tout. Hein, ce serait peut-être une bonne idée de montrer ça. Donc, je vous invite à lui envoyer ce top dans les salaires de crack.com. Donc, c'est tout simplement 6 très bonnes idées qui nous vient d'Empire Malveillante, quand même. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du Jab Jab Bar. On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du. On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et écutérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.